dire, je rigole bien. Dans la savane où que je me promène, quand j'ai une blague pourrie qui me vient, enfin, c'est rare que je me retienne. J'aime me marrer pour un rien, c'est normal. J'suis une hyène. Et moi aussi j'suis une hyène. Et si mon humour me convient, je ne suis pas sûr qu'on me comprenne. Les plaisanteries, ça crée des liens, mais je suis pas sûr qu'on aime les miennes. Moi quand je croise un léopard, ben je lui dis Hé, t'as une tache là. Très marrant. Galérien, on bouffe les cadavres qui traînent. Alors pour égayer notre quotidien, on fait des blagues de hyènes. Et moi quand je croise une girafe, eh ben je lui dis Hé, tu payes ton coup. Ah, j'ai compris. Ah non. Et puis c'est la girafe. Elle est bonne celle-là. Traiter de vaurien, on n'est pas pire que la moyenne. Le jour où on sera végétarien, on arrêtera peut-être de se marrer comme des hyènes. En attendant, moi quand je croise un cheval, ben je lui dis Hé, tu crains? Aujourd'hui on mène une vie de chien, au fond d'un zoo on a la haine. Comme on tourne en rond dans notre coin, des fois faut bien qu'on se déchaîne. Alors on regarde les humains, et là et c'est la crise. La crise. Bobby! Quoi encore?